Monsieur Raymond Poirier, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très, très bien, merci. Écoute, je te dirais que vu qu'on est l'été, on va faire une petite chronique légère, je pense. Exactement. Fait les modes de communication sur Twitter, de quelle manière les conversations s'organisent. En farfouillant, en fait, sur différents sites, je suis tombé sur une recherche qui a été menée par le Pew Research Center de l'Université d'Albany dans l'État de New York. Mm-hmm. Évidemment, je le dis d'emblée, je ne suis pas un spécialiste des médias sociaux, donc si les gens ont envie de creuser par la suite, ben ils peuvent se référer soit au site, justement, du Pew Research Center, soit un peu plus près de nous, à l'Observatoire des médias sociaux en relations publiques ici à l'Université Laval, qui s'intéresse à des thématiques un peu dans cet esprit-là. Et évidemment, l'idée de cette recherche-là, on nous l'explique en disant, ben regardez, faut comprendre, faut connaître les écosystèmes qui se sont construits avec les médias sociaux. Ouais. Et à l'intérieur des médias sociaux, ben reste que Twitter est un peu une bête particulière dans la mesure où on sait que c'est pas nécessairement très représentatif de l'opinion publique. Non. Parallèlement, on sait qu'il y a à peu près, disons, 18% des usagers d'Internet qui sont sur Twitter, 14% de la population adulte, des chiffres aux États-Unis, qui se retrouvent aussi sur Twitter. Donc, c'est encore là pas très représentatif, même au point de vue statistique non plus. C'est très localisé, parce que si on se fie à Twitter durant les campagnes électorales, Québec solidaire est élu majoritaire. Mais c'est vrai, c'est assez drôle, tu sais, parce que on a l'impression qu'on met beaucoup d'énergie au niveau entrepreneurial, à la fois politicien aussi, mais beaucoup d'énergie pour faire de la publicité sur Twitter, alors que peut-être qu'on touche pas tant de gens que ça. Et question de comprendre un peu comment ça se place, ces choses-là. Eux, ce qu'ils ont décidé, c'est carrément de cartographier les conversations. Donc, d'y aller autour de hashtags, autour d'usagers, autour de centres d'intérêt, d'événements, et d'essayer de voir de quelle manière les conversations s'organisaient, puis ensuite de faire des corrélations entre ça, ce qui nous amène évidemment à l'incontournable liste. Donc, question de voir un peu quels sont les modes de conversation qui en sont peut-être un peu plus ressortis. Eux en ont déterminé 6 au total. OK. Et le premier, justement, revient un peu au terrain que t'ouvrais, Jérôme, l'idée des conversations politiques. Évidemment, on le sait, sur Twitter, c'est quand même un lieu assez faste pour émettre une opinion, oui. Pour débattre, ou du moins dans notre esprit, pour débattre peut-être, mais... Finalement, on se rend compte que le premier mode de conversation est plus, bon, certes politique, mais très, très polarisé aussi. Eux l'ont appelé la foule polarisée. Donc, c'est l'idée que, exemple, aux États-Unis, il y a les démocrates et les républicains. Oui. Eh bien, on a remarqué qu'il y avait des hashtags utilisés par les républicains, des hashtags utilisés par les démocrates, et que autour d'événements, autour de campagnes électorales, ben ces deux groupes-là restaient... disons, très ancrés ensemble, hyper isolés, mais ne débattaient pas entre eux. Et donc, ce qui fait qu'on avait des sources de conversation différentes, qu'on avait des sujets différents, des perspectives différentes, et des liens aussi qui sont partagés, qui sont différents, dans la mesure où chacun, côté opinion, ne prenne pas leur source d'information au même endroit. Et ça corrobore peut-être un peu, ça, je pense qu'il y en a certains qui l'observent sur Facebook, où on se dit, mais mon Dieu, dans les campagnes électorales, j'ai l'impression que tout le monde est du même bord. Ben, on se réunit peut-être un peu plus autour des gens qui ont des opinions similaires aux nôtres. Effectivement, parce que je regardais le nuage, finalement, de la tweetosphère durant la campagne électorale québécoise du printemps dernier. Et c'était saisissant, là. On voyait vraiment des nuages bien isolés un de l'autre. Un nuage bleu, un nuage rouge, un nuage, qu'on met violet parce qu'on sait pas trop c'est quoi la couleur de ce parti-là. Un nuage orange. Et dans le milieu, on a la clique journalistique qui, eux, garoche dans tous les directions et qui sont retweetés à l'avantage du parti pour qui on vote, finalement. Exactement, on relaie donc les informations qui bénéficient à notre option. Effectivement. Et finalement, on ne débat pas sur les médias sociaux, non. On renforce notre opinion, et on se partage des arguments, mais à l'intérieur de groupes relativement restreints. Et l'autre élément, tu t'envoies un peu sur les médias, en fait, j'en saute quelques-uns sur lesquels on reviendra pour amener là-dessus, les médias, justement, les médias d'information. Donc ça, généralement, donc c'est lié à des articles de nouvelles, de l'information. Et dans ce contexte-là, il y a juste pas de conversation, en fait. Okay. De manière générale, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a essentiellement un groupe large, celui qui émet la nouvelle, qui donne l'information. Et ensuite, il y a les autres qui la relaient. Okay. Finalement. Tout simplement. Tout simplement. Donc, c'est vraiment une dynamique, disons, où les gens vont essentiellement donc trouver l'information, vont la partager. Ensuite, peut-être autour, justement, de certains de ces relais-là, ben, il va y avoir des petits sous-groupes de connaissances, dans le fond, qui vont débattre ou discuter un peu de la nouvelle qui a été partagée. Il y en a qui vont peut-être émettre une opinion, mais en la relayant à la source première. Tout à fait. Mais dans ce cas-là, on n'a pas du tout non plus de conversation. Donc, c'est du relayage et de l'opinion. Et je dirais que c'est tellement le cas que lorsqu'on, par exemple, on retweet une nouvelle, bon, on revient encore une fois à la politique, mais quand on retweet une nouvelle politique, plusieurs personnes ont la mentalité qu'on est d'accord avec la nouvelle ou qu'on est d'accord avec une initiative politique ou gouvernementale, alors qu'on ne fait que partager la nouvelle pour être sûr d'informer les gens, d'informer son entourage. Et là, on se fait traiter de tous les noms. C'est saisissant. Eh, parce que si tu relais quelque chose, c'est nécessairement que tu l'endosses. C'est sûr que c'est parce que tu l'endosses. Et parallèlement, ce qui est intéressant aussi, c'est justement autour de certaines personnes, de certains influenceurs, ben, il y a aussi des groupes de gens qui sont formés. Donc, ce qu'eux ont appelé en anglais des brand clusters. Donc, si, par exemple, on a une vedette X qui fait des commentaires, eh ben, il y a des gens qui vont lui répondre, qui vont interagir, mais ces gens-là ne parleront pas entre eux. Non. Vont simplement essayer d'aller chercher l'attention de la personne qui a émis le premier jet. Qu'on pense à un artiste comme Justin Bieber, par exemple, qui est très populaire sur les médias sociaux. Qu'on pense à des brands, des marques de commerce ou des choses comme ça aussi. Mais on va émettre des commentaires, on va dire, ben, peux-tu retweeter, peux-tu l'énoncer, mais bon, je parlerai pas à l'autre personne qui fait exactement la même chose. Non, c'est ça. On parlait de Justin Bieber, juste une petite parenthèse comme ça qui m'a beaucoup fait sourire. Tu sais qu'il y a Dieu sur Twitter, God, avec arrobase de tweet of God, et la seule personne que Dieu suit, c'est Justin Bieber, et son explication est la suivante: il est celui qui a le plus besoin de moi. Je l'avais trouvé bien drôle. Et ce qui est intéressant, c'est quand on va aussi sur des marques, sur des magasins, versus justement des personnes, et ben là, on a ce qu'on appelle en fait le soutien aux consommateurs, si on peut dire. Donc, il peut y avoir plusieurs personnes qui vont se plaindre d'un comportement, qui vont se plaindre du bruit, qui vont se plaindre d'un malfonctionnement quelconque, d'une difficulté X. Et évidemment, ben, la personne qui est aux commandes du tweet corporatif va peut-être voir qu'il y a 6 personnes qui posent essentiellement une question similaire. Ouais. Donc, plutôt que de répondre personnellement à chacune des 6, va répondre plutôt aux 6, va créer donc une mini-communauté autour de cette question-là, en permettant aussi peut-être aux gens d'échanger un peu sur leur expérience en lien avec cette réaction-là. En créant un hashtag, par exemple. Oui, exactement. Et là, on a un renversement par rapport à justement à Justin Bieber, auquel on aimait, mais qui lui répond à la masse en général. Exact. Là, c'est un peu comme si Justin allait chercher 6 de ses fans pour répondre spécifiquement à une de ses questions. Donc, ça devient un peu plus donc du support aux consommateurs. Et encore là, on n'a pas un dialogue au-delà de cette action-là. C'est simplement, dans le fond, une question, une réponse, mais donc avec un autre mode d'organisation, si on peut dire. Il faut être très prudent quand on est sur Twitter pour les entreprises, puisque, bon, on n'atteint pas beaucoup de gens, on vient de le dire, il y a seulement 18% des internautes qui seraient membres de Twitter, et puis là-dessus, il y en a une bonne quantité qui ne sont pas des membres assidus, si on peut dire. Et cependant, l'impact d'un message, si ça passe mal, les médias se gâtent pour en beurrer bien épais. Et à l'intérieur de ça aussi, il y en a deux qui sont peut-être un peu plus intéressantes, où là, justement, on a un véritable dialogue, parce qu'on parle beaucoup, bon, des médias sociaux comme la zone où on peut dialoguer, échanger, etc. On s'entend que dans certains cas, comme les foules polarisées, ben on dialogue pas vraiment, on se renforce. Donc, il y a d'autres cas où on a plutôt, en fait, des ce qu'on appelle des community clusters. Donc, on pourrait dire peut-être des discussions par sous-groupe. Oui. Donc, dans la mesure où il y a un événement majeur qui survient, il y a un événement sportif important. Donc, évidemment, on a le hashtag, et on le sait, donc, quand on émet de l'information dans ce hashtag-là, on l'émet à la masse. Bon, ça, c'est... On se retrouve plutôt dans le brand cluster, en fait, celui Justin, mais plutôt que de faire « at Justin Bieber », on fait « hashtag FIFA 2014 ». World Cup 2014, et là, on émet des commentaires dans la masse immense de commentaires, et ça ne débouche généralement sur rien. Donc, c'est un peu de la même chose. Donc, il y a beaucoup de bruit, mais finalement, il n'y a pas beaucoup de communication entre les gens qui émettent ces bruits-là. Par contre, parfois on voit des sous-hashtags émerger justement ces éléments-là. Parfois, il y a tranquillement des sous-groupes qui se créent autour d'un commentaire qui a été émis, autour d'une réflexion, autour d'une source. Et là, on se retrouve dans un contexte d'un événement peut-être assez général, mais avec des petites communautés qui se créent, ouais, et qui, eux, vont véritablement dialoguer ou échanger, que ce soit argumenter, que ce soit se donner des pistes, etc., etc. Et donc, c'est eux ce qu'ils appellent justement un peu le community clusters, donc les petits groupes communautaires. Donc là, on a véritablement peut-être une conversation, et c'est peut-être comme ça qu'on va tirer quelque chose des grandes conversations de masse. Qui sont très ponctuelles, généralement. Je me rappelle de la campagne électorale de 2012, il y avait un hashtag qui s'était créé, « Les politiques de Charest ». Hashtag les politiques de Charest. Et là, il y avait une multitude d'internautes qui s'étaient moqués du gouvernement en créant finalement des mesures gouvernementales bidons pour finalement rire du gouvernement qui était en place. Et l'autre élément, c'est autour d'un événement, peut-être autour de hobbies, autour de rencontres professionnelles. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait le groupe restreint. Oui. Donc, dans la mesure où, dans la plupart des autres conversations, c'est toujours des gens de l'externe, entre guillemets, qui viennent des étrangers, des gens qui n'ont pas nécessairement de contact entre eux ou qui n'ont pas de contact à ce moment-là entre eux. Mais dans le cas de groupes plus restreints, mais là, c'est des. Si on est dans un réseau professionnel, ben, on va avoir un hashtag précis qui permet après ça d'aller échanger autour d'un sujet précis. On le voit dans des événements aussi où on a quand même un peu plus dirigé justement côté nombre de participants restreints, côté thématique plus spécifique, des événements web, par exemple, qui sont organisés au Québec ou ailleurs. Mais on se retrouve avec des hashtags, mais souvent ces hashtags-là sont utilisés par les gens qui sont présents sur place. Il y a peu de gens de l'externe qui vont intervenir sur ces hashtags-là dans ces fils de conversation-là. Ouais. Donc là, on va avoir quelque chose d'un peu plus restreint, d'un peu plus aussi représentatif d'un certain usage conversationnel qu'on veut faire de ces médias-là. Ouais. Mais comparativement à Facebook, Twitter, ça demeure très marginal sur les réseaux sociaux, même si ça prend beaucoup d'ampleur. Plus ça va, plus il y a d'inscrits. Mais ceci étant dit, on dirait que Twitter a un peu de difficulté à retenir ses membres. C'est-à-dire que les gens s'inscrivent et par la suite, ils ne retournent plus jamais. Mais je pense qu'on revient un peu à l'idée justement du brand cluster, donc l'idée des grands événements, des vedettes et le reste. Donc on a l'impression un peu, quand on commence sur un média comme ça, à parler dans le vide. On a l'impression de parler dans le vide, et probablement que oui, on parle aussi dans le vide. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui nous lisent, qui émettent et le reste? Éventuellement, bon, ça amène à avoir un peu plus d'abonnés si on est actif, si on utilise les bons hashtags et le reste, mais c'est pas évident de se faire un nom sur Twitter. Donc, il y a quand même effectivement une certaine difficulté là-dessus. C'est peut-être un peu moins facile d'usage comme média social comme Facebook, et parallèlement, même pour faire passer un message sur Twitter, c'est pas nécessairement facile non plus. Et ce que le Pew Research Center a remarqué avec cette cartographie là, c'est aussi qu'il y avait peut-être justement cette idée d'influenceurs qui deviennent des catalyseurs d'informations, qui énergisent des communautés, et que finalement, plutôt que de passer par 100 personnes, ben ça revenait plus simple peut-être de sensibiliser une personne à un message, un vidéo qu'on veut essayer de diffuser, et ensuite que cette personne-là, elle fasse son travail au sein de son réseau. Donc, ça portait beaucoup plus de dividendes. Donc, cette idée qui vient peut-être à remplacer aussi un peu la manière dont on calcule l'efficacité d'un message sur Facebook ou Twitter ou n'importe où, dans le fond, sur les médias sociaux. Jusqu'à maintenant, c'est OK, il faut avoir beaucoup de j'aime, il faut avoir beaucoup de partage, il faut avoir beaucoup de fans sur notre Facebook, il faut avoir beaucoup d'abonnés sur Twitter. Mais inversement, si j'ai 500 000 abonnés ou 500 000 personnes qui me suivent sur Facebook et qu'il y en a relativement peu qui vont véritablement être impliquées dans la question que je veux soulever, ben c'est comme si je parlais dans le vide, c'est aussi. Ça, la portée est pas mieux, là. Exactement, tandis que si on va chercher des gens qui sont véritablement des influenceurs, donc on va chercher de la qualité plutôt que de la quantité, mais ben là, il y a ce renversement-là, et c'est un phénomène qui ressort beaucoup à l'intérieur de ça. Et on revient aussi à ce que tu disais au départ, donc quand on faisait un peu la twittosphère de la campagne politique québécoise, il y avait les gens qui étaient un peu entre les différents cercles, qui faisaient les ponts entre eux. Ben justement, eux les ont appelés carrément des ponts. Donc c'est d'autres personnes à cibler parce que eux ont accès à différents groupes d'influence. Donc quand on veut influencer l'opinion et le reste, ben c'est des gens qui sont présents dans différents groupes, qui sont connus dans différents groupes, donc qui deviennent aussi des joueurs importants pour amener un message, amener un propos, diffuser un hashtag, etc., pour renforcer ou créer justement des nouveaux dialogues. J'étais un de ceux-là d'ailleurs. J'étais juste à côté de Vincent Marissal pour cette campagne électorale-là, avec un pas pire point, mais pas mal moins gros que lui. Mais quand même pas pire, ceci étant dit. Raymond Poirier, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Sur Twitter. Oui, ben oui, effectivement. @ itis barre de soulignement UL, sinon itis.ulaval.ca. On se voit la semaine prochaine. Sans faute.